بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشف خريسور. Aujourd'hui, le mercredi 4 Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 27 mai 2020, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, de l'imam Ismaïl ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire, un parmi les plus brillants des élèves de Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, et celui qui a le tafsir très connu, le tafsir athari, le tafsir salafi du Coran. Donc on a parlé dans le cours précédent, on a parlé de l'expédition de Mu'ta, la première rencontre entre les musulmans et les Romains dans les terres de Cham. Et Cham, comme je vous ai dit, c'est la Jordanie, le Liban, la Palestine et la Syrie aujourd'hui. Tout ça, ça s'appelait Cham. Et c'était très exactement dans ce qui s'appelle aujourd'hui, dans l'est de la Jordanie aujourd'hui, ce petit village qui s'appelle Mu'ta, qui avait tué le messager du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'il avait adressé au César des Romains, Caesar, Héracle, Malik al-Rom, le roi des Romains. Et dans cette année, l'année 8 de l'Hégire, dans le mois Jumad al-Akhira, Nabi alayhi salam a envoyé une expédition de 3000 hommes et ils ont rencontré 200 000 hommes parmi les Romains. Et malgré ça, ils ont tué parmi eux plus que ce qu'il y a eu dans les rangs des musulmans comme morts. Et on a vu que dans les rangs des musulmans, il n'y a pas eu plus de 12 personnes à qui Allah Azzawajal a accordé le degré du martyr. Et à leur tête, les trois chefs qui ont été désignés par le prophète alayhi salatu wassalam, le premier qui est Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, et celui qui était son fils adoptif avant qu'Allah Azzawajal annule ce statut de l'adoption, yani l'adoption dans le sens, il devient comme son fils, il porte son nom et tout. C'est ça qui a été interdit. Mais s'occuper des orphelins et les prendre en charge, ça reste une des meilleures actions qui existent dans l'islam. Mais sans yani les marquer comme nos vrais enfants. Faut qu'ils s'apparentent toujours à leurs vrais parents. Et on a vu que dans cette bataille, les musulmans et surtout les chefs qui ont été désignés par le prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah azza wa jal a accordé le degré du martyr, ils ont fait preuve d'un héroïsme exceptionnel

chacun selon son niveau, chacun selon son statut, chacun selon son bagage scientifique, et ainsi de suite. Et ne regarde pas la fin, et ne regarde pas quand est-ce que tu vas arriver, mais fais ton maximum pour que tu restes sur la bonne voie, jusqu'à rencontrer Allah. C'est pour ça qu'on a vu que Sahaba, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas vu les fruits de leur da'wah, tels que As'ad ibn Zurara et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhuma, les premiers qui ont commencé la da'wah à Médine, et qui étaient la cause de la propagation de l'islam à Médine. Mais ces deux hommes, ils sont décédés, comme on l'a vu, dans les premières années de l'émigration du prophète, alayhi salam. As'ad est décédé dans la première année, et Mus'ab est tombé martyr dans la bataille de Uhud, donc dans l'année 3 de l'Hégire. Donc, ces deux hommes n'ont pas vu les fruits de leur da'wah à l'extérieur de l'Madina. Mais leur récompense continue jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qu'ils ont appelés et qui, à leur tour, ils ont appelé d'autres, c'est dans la balance de ces deux compagnons, radiyallahu anhum. Donc, suite à ce pacte de l'Hudaybiya, dans lequel était convenu, entre autres, une trêve entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses alliés, et Kuffar Quraysh et leurs alliés, pendant une durée de 10 ans. Pendant une durée de 10 ans. Et on a vu que dès que ce pacte a été fait, la tribu de Khuza'a est entrée dans l'alliance avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et la tribu de Banu Bakr est entrée dans l'alliance avec Quraysh. Et cette trêve a été respectée pendant à peu près 17 ou 18 mois, c'est-à-dire une année et demie à peu près. Une année et demie, cette trêve a été respectée des deux côtés. Et après ces 18 mois ou 17 mois, la tribu de Banu Bakr ont attaqué la tribu de Khuza'a dans un endroit qui s'appelle Al-Watir, très proche de Mecca. Ils les ont attaqués à cause d'une haine qu'ils avaient contre eux dans le Jahiliya, avant l'islam. Et il y avait des vengeances et des comptes entre eux qui n'ont pas été réglés comme c'était la coutume dans la péninsule arabique. Les règlements de comptes, les vengeances, ils ont tué une personne, les autres ils tuent également de l'autre, et ainsi de suite. Donc à cause de cette haine et de cette vengeance, ils les ont attaqués, ils ont attaqué la tribu de Khuza'a. Et Quraysh ont aidé Banu Bakr, qui sont leurs alliés, contre Khuza'a, qui sont les alliés du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ils ont fait ça en cachette. Ils les ont aidés certes avec les armes, mais même il est rapporté que certains parmi Quraysh ont participé dans la bataille contre Khuza'a. Parmi eux, Safwan ibn Umayya, et Shayba ibn Uthman, et Suhail ibn Amr, lui-même qui a fait le pacte avec le prophète, alayhi salam. Ils les ont aidés. Yani, ces trois hommes que j'ai cités, ils n'ont pas participé par eux-mêmes, mais ils ont aidé avec les armes, et ils ont aidé avec des esclaves qu'ils avaient à eux, ils leur ont demandé de participer dans la bataille. Et certains parmi Quraysh ont participé par eux-mêmes. Ils ont participé eux-mêmes contre Khuza'a. Et Khuza'a, yani, quand ils étaient attaqués, Ils se sont protégés dans le haram. Ils se sont protégés dans le haram. Donc, comme il dit l'imam Ibn Kathir, certains parmi Quraysh ont aidé et ont collaboré avec Khuza'a, avec Banu Bakr, par eux-mêmes. Yani, personnellement, ils ont participé. Et ils les ont combattus jusqu'à ce que Khuza'a, ils étaient vaincus, ils se sont protégés dans le haram pour qu'ils ne les combattent pas. Et là, le maître de Banu Bakr, qui s'appelle Nawfal ibn Muawiya, Ad-Dili, il leur a dit, ô Banu Bakr, sa tribu, s'est adressé à sa tribu. Quand Khuza'a, ils se sont protégés dans le haram, ils ont dit, craignez, ils leur ont dit, craignez votre divinité et ne nous faites pas de mal dans le haram. Et là, had le maître de Banu Bakr, Nawfal ibn Muawiya, il leur a dit, il n'y a pas de divinité aujourd'hui. Et il a dit à sa tribu, par Allah, vous volez dans le haram. Comment ne pas prendre vengeance de ces gens-là dans le haram également? Et effectivement, il a été écouté et ils les ont combattus et ils en ont tué parmi eux, yani de Khuza'a, ils ont tué une vingtaine de personnes ce jour-là. Et les autres se sont cachés dans des maisons à Mecca où yani ils ont pris la fuite. En tout cas, ils ont tué une vingtaine d'hommes de Khuza'a ce jour-là. Et cet homme qui s'appelle Nawfal ibn Muawiya Dili, il est entré dans l'islam et il a rapporté même des hadiths qui sont dans les deux authentiques. Il a rapporté des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam qui sont dans les deux authentiques, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'était la cause, c'était considéré par Nabi alayhi salatu wasalam comme une violation de cette trêve et de ce pacte. Et de cette manière, Quraysh a violé le pacte qu'il y avait entre eux et les musulmans. Et suite à cela, à ce nombre de morts qu'il y a eu dans la tribu de Khuza'a, deux hommes parmi Khuza'a, qui sont Amr ibn Salim al-Khuza'i et Budayl ibn Warqa al-Khuza'i, sont sortis en voyage vers le Médina, vers le prophète alayhi salam, et lui ont raconté ce qui s'est passé. Ils se sont plaints de ce qui s'est passé, que ce soit de la part des Banu Bakr, et également de la part de Quraysh, qui ont aidé يعني dans ces massacres dans le haram. Et Nabi alayhi salam, quand il a entendu ça, il leur a dit qu'il va les secourir. Et il les a avertis que Abu Sufyan, il va venir vers lui avant qu'il sorte Abu Sufyan de Mecca. Et il va lui demander de renforcer, de renouveler le pacte qu'il y avait eux et va s'excuser de ce qui s'est passé. Et il a dit qu'il ne va pas accepter de lui et qu'il ne va pas répondre favorablement à sa demande. Et effectivement, ça s'est fait comme le Nabi alayhi salam a dit. Car Quraysh, après coup, ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et ils ont choisi Abu Sufyan pour aller voir le Nabi alayhi salam et pour renforcer et affirmer le pacte et le renouveler également. Ils se sont excusés de ce qui s'est passé. Et ils lui ont dit même d'augmenter la durée de la trêve. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il est arrivé à Usfan. Sur sa route vers le Médina, il a rencontré les deux hommes de Khuza'a, Budayl ibn Warqa, sur son retour de le Médina. Et Budayl ne lui a rien dit de ce qui s'est passé entre lui et le prophète alayhi salam. Et Abu Sufyan est parti jusqu'à le Médina. Il est arrivé, il est entré il est parti rendre visite à sa fille, Umm Habiba, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui est la fille de Abu Sufyan et la sœur de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Et il voulait s'asseoir sur le lit du prophète alayhi salatu wassalam. Sa fille l'a empêché. Elle lui a dit, ne t'assois pas ici. Ça, c'est le lit du prophète alayhi salatu wassalam. Et toi, t'es un homme impur. T'es un homme impur. Et il lui a dit, par Allah, ma fille, t'as été touché par un mal après moi. Yani, t'as changé. Et quand Nabi alayhi salatu wassalam est venu, Abu Sufyan lui a exposé pourquoi il était venu. Mais Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas donné de réponse à ce qu'il a dit. Il lui a dit ni non ni oui. Il est parti voir Abu Bakr al-Siddiq ensuite. Il lui a demandé la même chose. Il lui a dit et qu'il a parlé avec le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il lui a rien dit. Abu Bakr a refusé d'intercéder et de parler au prophète alayhi salatu wassalam et d'exposer l'affaire de Abu Sufyan. Il est parti voir Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Umar ibn al-Khattab a été dur avec lui. Bien évidemment, il n'a pas répondu à sa demande, mais en plus, il était dur avec lui. Et il lui a dit, moi, j'intercède en votre faveur auprès du prophète alayhi salatu wassalam et je lui demande de renouveler le pacte avec vous. Par Allah, si je ne trouve que les petites fourmis pour vous combattre, je vous combattrai avec. Yani comme monture. Et ensuite, il est parti voir Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et il a fait de même. Il n'a pas donné suite à sa demande. Il est parti voir Fatima, la fille du messager alayhi salatu wassalam. Et il lui a demandé de demander à son fils, Al-Hassan, d'intervenir auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam en leur faveur. Et elle lui a dit, mon fils n'a pas atteint un âge pour faire cela. Et c'est là où Ali radiallahu anhu, il lui a dit, ce que je te conseille, c'est que tu te lèves en plein milieu des gens et que ce soit toi qui confirme et qui renouvelle le pacte. Tu le fais devant les gens. Tu le fais devant les gens et ça suffit. Toi, au moins, tu l'auras fait. Et c'est ce qu'il a fait à Abu Sufyan. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il est retourné à Mecca et il les a informés de ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, par Allah, Ali s'est moqué de toi. Ali s'est moqué de toi. Car il a renouvelé le pacte de son côté uniquement. Et le prophète alayhi salam n'a pas donné de parole. Et subhanallah, vous voyez, les musulmans comment ils sont. Quand ils donnent une parole, ils la respectent. S'ils veulent pas un engagement, ils donnent pas de parole. Nous, pour nous, c'est facile, on donne une parole et après on la respecte pas, c'est pas grave. Et Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Et bien évidemment, depuis ce moment-là, Quraysh, de manière générale, il savait que l'attaque du prophète alayhi salatu wassalam est une question de temps. Et ils étaient en permanence dans une panique et dans une peur. Ils s'attendaient à ce jour où Nabi alayhi salatu wassalam allait les attaquer. Ils savaient que c'était une question de temps. Donc ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam a commencé à préparer son armée pour conquérir Mecca. Il a commencé à préparer son armée pour conquérir Mecca. Et il a fait dua, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour que Kuffar Quraysh ne se rendent pas compte de ses préparations pour les attaquer, jusqu'à les surprendre. Et Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et parmi les choses qui confirment qu'Allah Azza wa Jal a invoqué son invocation, et qu'Allah Azza wa Jal a fait que Quraysh ne se rende pas du tout compte de ce que préparait le Nabi alayhi salam, c'est l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Hatib ibn Abi Balta'a, c'est un compagnon qui a participé dans la bataille de Badr. Ça veut dire que c'est parmi les meilleurs de cette communauté, radiyallahu anhu. Donc Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu, a écrit un message qu'il a adressé à Kuffar Quraysh, dans lequel il les informait des préparatifs du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam pour les attaquer. Il l'a envoyé avec une femme qui allait vers Mecca. Et Hatib radiyallahu anhu, quand il a fait ça, bien évidemment, c'est un péché, sans aucun doute. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam? La réponse, non. Parce que lui, Hatib radiyallahu anhu, quand il a fait ça, il avait une interprétation qu'il a citée au prophète alayhi salatu wassalam. Yani, il lui a expliqué que la plupart des compagnons radiyallahu anhum qui sont originaires de Quraysh, ils ont des gens pour protéger leur famille là-bas, qui sont restés là-bas, et pour protéger leurs proches qui sont restés à Mecca, et pour protéger leurs biens également à Mecca. Contrairement à lui, qui n'était pas à la base de Mecca, et qui n'avait personne pour protéger sa famille et ses biens là-bas. Et qu'il a fait cette chose-là, qui est un péché, bien évidemment, il a fait cette chose-là uniquement, non pas parce qu'il a apostasié, ou il a excommunié, ou il a détesté l'islam après être devenu musulman et qu'il est sorti de l'islam. Non, il a fait ça juste pour avoir, avec ce geste vis-à-vis de Quraysh, et de toute façon Allah Azza wa Jal permettra la victoire à son prophète alayhi salatu wassalam. Mais lui, il visait uniquement avoir un soutien de la part de Quraysh, qu'il ne fasse pas de mal à sa famille, à ses biens là-bas. C'était ça son excuse. Et quand il a cité cette excuse au prophète alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam a informé qu'il a dit la vérité et qu'il n'a pas menti, radiyallahu anhu. Et Omar, quand il a su cela, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. L'acte dans son apparence, c'est une trahison du prophète alayhi salatu wassalam et de l'islam et des musulmans. C'est pour ça qu'il lui a dit au messager d'Allah, laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. Le Nabi, lui a dit, « Ya Omar, il a assisté à la bataille de Badr. Et qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce que t'en sais si Allah a dit à tous ceux qui ont assisté dans la bataille de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Bien évidemment, Allah, il leur a tout pardonné, les péchés, pas la mécréance. Ça ne sert à rien de participer dans Badr si tu mécrois ou tu sors de l'islam. Mais Allah a su que tous ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, personne d'entre eux n'allait apostasier. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, avec cette grande bonne action, la participation dans Badr, Allah leur a expié tous les péchés dans lesquels ils peuvent tomber. Et ces péchés, ils ne peuvent jamais arriver à la mécréance. C'est ça l'explication de ce hadith Mais par contre, Allah Azza wa Jal a décrit l'acte de Hatib radiallahu anhu. Il l'a décrit dans Surat Al-Mumtahina ou Al-Mumtahana. Il a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. Ô vous qui avez cru, ne faites pas de mon ennemi et du vôtre des alliés auxquels vous proposez votre amitié alors qu'ils ont mécru à la vérité qui vous est parvenue. Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ils vous ont expulsé, le messager et vous, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Si vous êtes sortis pour vraiment combattre dans mon chemin et obtenir mon agrément, leur montriez-vous secrètement quelques affinités alors que je connais ce que vous tenez caché et ce que vous révélez. وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Quiconque parmi vous le fait s'égare du droit chemin. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal a décrit cet acte. C'est un acte d'égarement évident. Et c'est un grave péché dans l'islam. Mais ça n'arrive pas à la mécréance. Parce que si t'aides le kafir en espérant dunya, c'est un grave péché mais qui n'arrive pas à la mécréance. Mais quand est-ce que c'est une mécréance? C'est quand t'aides un kafir contre un musulman en voulant l'extermination de l'islam et en détestant l'islam. C'est pour ça Hafid radiallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, je n'ai pas fait ça par apostasie de ma religion ou par agrément de la mécréance après l'islam. J'aime toujours l'islam, mais j'ai faibli et j'ai voulu avoir une protection pour ma famille en rendant ce service à Quraysh. Donc, vous voyez bien que le Nabi alayhi salam ne l'a pas rendu mécréant. Et se sont trompés ceux qui disent que c'est, dans quoi est tombé Hatib, est une mécréance, mais Allah lui a pardonné parce que il a participé dans Badr. Ça c'est faux. Ça démontre que ces gens ne comprennent pas Tawhid. Il y a rien qui permet l'expiation de la mécréance et de l'associationnisme, excepté le repentir. Yani, c'est pas parce que tu as participé dans la bataille de Badr que même si tu meurs avec shirk, Allah te pardonne. Non, ça c'est faux. Donc quoi est tombé Hatib radiallahu anhu? C'est pas une mécréance, mais c'est un grave péché dans l'islam. Et parmi les choses qui ont aidé Hatib radiallahu anhu dans l'expiation de ce péché, c'est sa participation dans la bataille de Badr. C'est ça l'argument que Nabi Issa sallam a cité à Omar. Nabi Issa sallam n'a pas blâmé Omar quand il a dit laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. Parce que ce que Hatib radiallahu anhu a fait est grave. Mais il a reconnu que c'était une faiblesse de sa part et que yani, il aime toujours l'islam, il déteste la mécréance, mais c'est une faiblesse de sa part. Radiallahu anhu. Cette histoire, quand Omar radiallahu anhu a entendu ce que le Nabi alayhi sallam a dit par rapport aux hommes qui ont participé dans Badr, il a pleuré radiallahu anhu. Il a dit Allah et son messager savent mieux. Donc le Nabi alayhi sallam. Et ça, cette histoire, l'imam Ibn Kathir l'a cité, moi je vous ai cité plus de détails de l'authentique de l'imam al-Bukhari, mais l'imam Ibn Kathir a cité cette histoire pour nous montrer qu'effectivement Allah Azza wa Jalla a exaucé l'invocation de son prophète alayhi salatu wassalam, et que ce message qui a été envoyé avec de la part de Hatib avec cette femme, Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam cette histoire, et c'est pour ça qu'il a envoyé trois hommes, Ali, Zubayr et Miqdad radiyallahu anhum. Il les a envoyés derrière cette femme et ils l'ont rattrapé à un endroit qui s'appelle Raudatou Khakh. Et ils lui ont demandé de sortir le message. Au début, elle a nié. Elle a dit qu'elle avait rien. Ils lui ont dit, tu vas le sortir, sinon on va retirer tous tes vêtements, car on sait que tu l'as. C'est le Nabi alayhi salam qui nous a informé. Et c'est Allah qui l'a informé, donc il n'y a pas de doute que tu l'as. Et quand elle a vu les choses comme ça, effectivement, elle l'a retiré, elle l'a sorti de ses tresses de cheveux. Elle l'avait mis au milieu de ses tresses de cheveux. Et ça, c'était un exaucement de dua de Nabi alayhi salam, afin que Quraysh ne savent pas la sortie de l'muslimin, et c'était un signe de sa prophétie et de la véracité de sa prophétie alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam est sorti le 10 Ramadan, yani alayhi salatu wassalam, il est sorti le 10 Ramadan dans une armée de 10,000 hommes. Dans une armée de 10,000 hommes. Et bien évidemment, ces 10,000 hommes, c'était pas uniquement les gens de Medina, c'était les Muhajirin, les Ansar et d'autres tribus arabes, telles que la tribu de Muzayna, de laquelle est sorti 1,000 hommes, et la tribu de Banu Sulaym également, de laquelle est sorti à peu près 700 hommes. Et c'est sorti aussi la tribu de Aslam et la tribu de Rifar, dont le total, ils étaient 10 000 hommes. Yani, une armée aussi grande que celle-là, c'est quelque chose que les musulmans n'ont jamais connu auparavant. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, comme l'a précisé l'imam Ibn Kathir rahimahullah, le 10 Ramadan, dans l'année 8 de l'Hégire. L'année 8 de l'Hégire, il est sorti de l'Madina le 10, il est arrivé à Mecca le 19. Il est arrivé à Mecca le 19. Yani, la conquête a eu lieu le 19. C'est la date à laquelle ils sont arrivés à Mecca. Yani, comme on a vu, yani, la durée entre Medina et Mecca à l'époque, c'était à peu près 8 jours. Donc ils sont arrivés, et après les batailles qu'on va voir qui ont eu lieu, la conquête a été finalisée le 19 Ramadan. La Mecca a été conquise et devenue sous la domination des musulmans. Et Nabi alayhi salatu wassalam a laissé sur le Medina comme responsable Abu Ruhm Kulthum ibn Husayn radiyallahu anhu. Et quand il est arrivé alayhi salatu wassalam sur sa route vers Mecca, quand il est arrivé à Dhul Hulayfa, et ça a été rapporté qu'il est arrivé à Al-Juhfa. Dhul Hulayfa, c'est le miqat de Medina, c'est très proche de Medina. Al-Juhfa, c'est très loin. Yani, c'est le Juhfa, c'est à peu près 240 km de Medina. Donc, les deux versions ont été rapportées que c'est là où il a croisé son oncle, qui était sorti, radiyallahu anhu, son oncle Abbas, qui était sorti vers le Medina, dans le Hijra, dans le cadre de le Hijra. Et quand il a croisé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à un des deux endroits, il a laissé sa famille continuer sa route vers le Medina avec toutes ses affaires, et lui, il a accompagné le Nabi alayhi salatu wassalam dans la conquête de Mecca. Donc il était sorti avec toute sa famille, Abbas radiallahu anhu. Donc est-ce que l'Abbas est entré dans l'islam à ce moment-là, ou est-ce qu'il est entré bien avant? Il y a des récits qui ont été rapportés par Ibn Sa'd dans Tabaqat, comme quoi l'Abbas radiallahu anhu est entré dans l'islam avant la bataille de Badr. Et d'autres ont dit, même avant l'émigration vers le Médina du prophète alayhi salatu wasalam, qu'il était déjà entré dans l'islam et que le Nabi alayhi salatu wasalam lui avait demandé de cacher son islam et de ne pas le montrer. Mais Al-Hafidh ibn Hajar dit que ce qui est très connu, c'est que l'Abbas est entré dans l'islam avant la conquête de Mecca. C'est-à-dire dans cette sortie. Quand il est sorti, c'est là où il est entré dans l'islam. En tout cas, c'est un point dans lequel il y a des divergences, et les savants rapportent beaucoup de dalils comme quoi l'Abbas est entré dans l'islam bien avant l'Hijra, mais qu'il cachait son islam pour l'intérêt de l'islam et des muslimines, car Nabi alayhi salam lui avait ordonné de le cacher pour continuer à les informer des complots et des stratagèmes des Mécois et de Quraysh. Ibn Abd al-Barr, par exemple, il dit avec certitude que l'islam est que l'Abbas est entré dans l'islam avant la conquête de Khaybar. Avant la conquête de Khaybar. C'est pour ça, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que l'Abbas cachait son islam pour l'intérêt de la da'wah. Pour l'intérêt de la da'wah et continuer à informer Nabi alayhi salam des complots de Quraysh. Il y a également d'autres hommes qui sont sortis ce jour-là et qui ont rencontré Nabi alayhi salam et qui ont annoncé leur islam. Parmi eux, son cousin, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Al-Harith, c'est le frère du prophète alayhi salam, Abdullah. Donc, c'est son fils, il s'appelle Abu Sufyan ibn al-Harith. Et il est également le frère d'allaitement du prophète alayhi salam, Abu Sufyan. Il a rencontré le Nabi alayhi salam à un endroit qui s'appelle Abwa. Dans sa sortie de Médina vers Mecca, il l'a croisé à un endroit qui s'appelle Abwa. Et c'est là où il a annoncé son islam. Lui, ainsi qu'un autre homme qui s'appelle Abdullah ibn Abi Umayya, qui est le frère de Ummu Salama, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salam. Ils sont venus annoncer leur islam, mais le prophète, alayhi salam, il a rapporté qu'il les a repoussés et qu'il les a chassés jusqu'à ce que Ummu Salama a intercédé en leur faveur et elle a dit au prophète alayhi salam des choses à leur sujet qui les ont adoucis à leur égard. Et il a accepté d'eux l'islam. Et c'était des muslimines tous les deux qui ont fait preuve de beaucoup de courage dans des batailles, en particulier Abu Sufyan. Bien évidemment, Abu Sufyan ibn al-Harith et Abdullah ibn Abi Umayya, c'était parmi les plus grands ennemis du prophète alayhi salam et ceux qui lui faisaient le plus de mal. Surtout Abu Sufyan, son cousin. Abu Sufyan, son cousin. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, au début, il a réagi ainsi, mais après ils ont montré leur sincérité et leur véracité avec ce que Ummu Salama radiallahu anha, cette femme très très intelligente, a dit au prophète alayhi salam, et Nabi alayhi salam les a acceptés. Et Abu Sufyan, comme on va voir, dans la bataille de Hunayn, cette bataille, on va voir qu'il a eu, des positions héroïques dans la défense du prophète alayhi salam. Quand beaucoup de gens ont fui, et le prophète alayhi salam est resté seul face aux kuffars, lui était parmi le petit nombre qui était resté autour du prophète alayhi salam et qui continuait à le protéger. Le jour de la bataille de Hunayn. Et Abdullah ibn Umayya également a fait preuve de sa sincérité, de sa véracité. Il a combattu, radiallahu anhu. Il a combattu, il a été tué dans le siège de Taif. Donc Hunayn et Taif, c'est les dernières batailles. Donc il a été tué quand les musulmans ont assiégé la ville de Taif. Le Nabi عليه الصلاة والسلام il est sorti de Medina, on a vu, le 10 Ramadan. Donc il est sorti dans un état de jeûne, radiyallahu anhu, alayhi salatu wassalam, et les compagnons également. Et quand c'était l'heure de l'Asr, le Nabi alayhi salatu wassalam a rompu son jeûne sur sa monture. Et il n'a pas imposé aux gens de rompre leur jeûne, mais il l'a fait afin que les gens le voient et qu'ils le suivent pour garder leur force pour cette bataille. C'est un événement très très important. Et par la suite, il est rapporté qu'il leur a imposé de rompre le jeûne. Qu'il leur a imposé de rompre le jeûne. Bien évidemment, jeûner dans le voyage, c'est autorisé. C'est autorisé, sauf pour quelqu'un, il devient tellement faible dans le voyage, comme ce compagnon, radiallahu anhu, qui jeûnait dans son voyage, et qui n'arrivait même pas à marcher, c'était les gens qui le portaient, et qui devaient l'ombrer pour, le protéger. Là, c'est pas autorisé. Mais, après, est-ce que c'est meilleur ou pas? C'est une divergence entre les hommes de science, mais si vous voulez, en résumé, on peut dire que, le jeûne dans le voyage est autorisé, de manière générale. C'est interdit dans le cas que je vous ai cité. Et c'est meilleur pour quelqu'un qui a une difficulté dans son jeûne normal. Mais si cette difficulté augmente sans arriver à cette très grande difficulté, c'est détestable, mais c'est autorisé. Mais pour celui pour lequel il arrive à supporter le jeûne dans le voyage, et surtout quand c'est le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan, car celui qui jeûne dans son voyage pendant le mois de Ramadan, si ça ne représente pas une difficulté pour lui, c'est meilleur pour lui de jeûner. Car quand il jeûne dans Ramadan, il jeûne dans un mois béni. Et c'est une facilité pour lui de jeûner quand tout le monde jeûne. Et il n'est pas redevable de rattrapage par la suite. Pour plusieurs raisons que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a citées, qui font que le jeûne dans le voyage, si ça ne représente pas une grande difficulté, ça peut être meilleur dans des cas comme celui-là. Wallahu a'lam. En tout cas, Nabi alayhi salatu wassalam, dans un deuxième temps, il a imposé à tout le monde de rompre le jeûne. Ils se sont arrêtés à un endroit qui s'appelle Marr al-Dhahran. Marr al-Dhahran, et c'est là où ils ont passé leur nuit. Quand ils se sont arrêtés, pour la première fois, ils se sont arrêtés à cet endroit-là, et c'est là où ils ont passé leur nuit. Marr al-Dhahran, c'est un endroit qui s'appelle aujourd'hui Wadi Fatima, la vallée de Fatima. C'est Fatima, c'est la femme d'un homme qui a gouverné Mecca par la suite. C'est pour ça cet endroit il porte le nom de sa femme aujourd'hui. Donc Quraysh, Allah Azza wa Jal, les a aveuglés. Et ils ont rien su au sujet de la sortie du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ils avaient peur. Ils savaient que ça n'allait pas tarder. C'est pour ça, de temps en temps, ils sortaient autour de Mecca et ils regardaient les alentours. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange ou des choses comme ça. Et dans une nuit, est sorti Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, et Budayl ibn Waraqa, et Hakim ibn Hizam. Ils sont sortis tous les trois dans une nuit pour voir ce qui se passe autour de Mecca. Et ils ont vu des feux. Ils ont dit, c'est quoi ça? Boudail a dit, c'est le feu de Khouza'a. Abu Sufyan a dit, non, c'est pas possible. Khouza'a, ils peuvent pas faire un feu aussi grand que celui-là. Là, l'armée, elle est de 10 000 hommes. Donc, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les trois hommes. Et l'Abbas, radiyallahu anhu, il a devancé l'armée du prophète, alayhi salam, il s'est avancé vers Mecca. Et il essaye de voir est-ce qu'il y a quelqu'un. Et il avait pris le mulet du prophète, alayhi salatu wassalam, Baghlat al-Nabi, sallallahu alayhi salam. Et à un moment, il entend des voix. L'Abbas, radiyallahu anhu. Et il a su que c'était Abu Sufyan. Il a dit, Aba Hanzala. Abu Sufyan a reconnu également la voix de l'Abbas, radiyallahu anhu. Il a dit, Abu al-Fadl. Il a dit oui. Abu Hanzala, c'est la kunya de Abu Sufyan. Il a deux kunya. Abu Sufyan et Abu Hanzala. Et l'Abbas, sa kunya, c'est Abu al-Fadl. L'aîné de ses fils. Al-Fadl. Donc il a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, Yani Hachi, ce qu'il y a derrière toi? Tous ces feux qu'on voit d'ici. Il a dit, ça c'est le messager d'Allah, alayhi salam, avec son armée. Malheur à Quraysh. Abu Sufyan a dit, c'est quoi la solution alors? C'est quoi l'issue? Il lui a dit, par Allah, si le prophète t'attrape, il te tuera. Mais monte derrière moi, et entre dans l'islam et je vais t'emmener jusqu'à lui. Et effectivement, Abu Sufyan est monté derrière l'Abbas radiyallahu anhu et l'Abbas est parti vers l'endroit où était la tente où était le prophète alayhi salam, car ils étaient arrêtés à cet endroit, Wadi Fatima. Wadi Fatima, c'est le nom d'aujourd'hui, mais à cette époque, il s'appelait Marr Dhahran. Donc il est parti, et sur son chemin vers la tente du prophète alayhi salam, les sahaba, quand ils voyaient l'Abbas radiyallahu anhu, ils disaient, ça c'est l'Abbas, et ça c'est le mulet du prophète alayhi salam. Ils ne faisaient pas attention à Abu Sufyan. Un des plus grands ennemis du prophète alayhi salam et de leurs plus grands ennemis. Abu Sufyan, n'oubliez pas, c'est un homme qui a combattu le prophète alayhi salam pendant presque 20 ans. Acharné, sans relâche, il donne de ses biens et de son temps, il insulte et tout au sujet du prophète alayhi salam. Donc imaginez comment ils doivent être les compagnons vis-à-vis de lui. Mais personne n'a remarqué Abu Sufyan, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab, dès qu'il a vu Abu Sufyan, il a dit, l'ennemi d'Allah. Il a dit, Alhamdulillah, qui m'a permis de t'avoir sans qu'il y ait de pacte ni d'engagement entre nous et vous. Et allez, il peut le tuer. C'est autorisé. C'est un ennemi d'Allah qui combat l'islam et les musulmans. Ils sont en guerre contre eux. C'est ce qu'on appelle kafir al-harbi. Le mécréant qui est en guerre et avec lequel tu n'as aucun pacte ni accord. Hada, il a dit, Alhamdulillah qui m'a permis de t'avoir sans qu'il y ait de pacte, ni d'accord entre nous, ni d'engagement. Mais quand l'Abbas radiallahu anhu a entendu ça, il a couru vite, il a poussé son mulet, il est allé très vite. Et Omar a couru derrière eux pour les attraper. Mais il n'a pas pu les attraper car, Ibn Kathir rahimahullah, il dit, car il était lourd. Omar, c'est un homme, entre parenthèses, très baraqué, très costaud. Omar radiallahu anhu, ils disent quand il montait sur le cheval, ses pieds touchent le sol. Il dit c'était un homme très costaud, très baraqué, radiallahu anhu. Et allez, voilà qu'il a un homme comme ça, il va pas courir aussi vite qu'un mulet. Contrairement à quelqu'un comme Salam ibn al-Aqwa, radiallahu anhu. Il dit ce très très grand coureur, et Allah subhanallah, à chaque fois je me rappelle de ça. Yani, subhanallah, ajib. Il allait plus vite que le cheval. Subhanallah, radiyallahu anhu arda. Et en plus, c'était un jeune homme très très courageux, comme on a vu. Radiyallahu anhu. Et rappelez-vous également que Salam ibn al-Akwa' a fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Hudaybiyah trois fois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné. Et ça, c'est un honneur immense. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais le pacte trois fois. Radiyallahu anhu. Et l'Abbas, donc, il a pu échapper à Omar radiyallahu anhu jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'endroit où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est entré avec Abu Sufyan chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé la permission. Ils lui ont autorisé. Il est entré. Et Omar était derrière eux toujours. Jusqu'à ce qu'il est arrivé. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi lui couper la tête et le tuer. Et l'Abbas s'est précipité. Il a dit, il est sous ma protection. Et comme vous savez, quand un musulman protège un homme, quelle que soit sa religion, il est sous sa protection. Aucun autre musulman ne peut lui faire du mal. Il a dit, il est sous ma protection. Et ils se sont disputés un petit peu, c'est comme ça, ils ont discuté, l'Abbas et Omar, au sujet de Abu Sufyan. Et ensuite, le Nabi alayhi sallam est intervenu et il a ordonné à Al-Abbas d'accompagner Abu Sufyan avec lui et de le garder avec lui toute la nuit et de lui ramener Abu Sufyan dans la matinée, le lendemain. Il lui a dit, accompagne-le dans ta tente, il passe la nuit avec toi et le lendemain, ramène-le avec toi. Et à la matinée, effectivement, Al-Abbas radiyallahu anhu est venu avec Abu Sufyan. Il est venu avec Abu Sufyan. Avant de prendre Abu Sufyan avec lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait fait la da'wah, déjà. Il l'a appelé à l'islam, il lui a parlé pendant une grande partie de la nuit. Il lui a parlé de l'islam, il l'a invité à l'islam, et il a parlé avec lui d'une manière, dans laquelle il y avait beaucoup de douceur, alayhi salatu wassalam, mais Abu Sufyan était hésitant. Il était hésitant. Quand Nabi alayhi salam a vu cette hésitation, c'est là où il lui a dit, accompagne-le dans ta tente et ramène-le le lendemain. Et quand il l'a ramené le lendemain, Nabi alayhi salam a ordonné à son oncle Abbas radiyallahu anhu de le placer à un endroit où il va voir les armées des musulmans. Et c'était à côté d'une montagne où il voyait passer toute l'armée. Rang après rang. Et quand il a vu, afin qu'il voit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, tout ça, c'est des choses calculées avec munitions. Et c'est une sagesse, qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné dans la da'wah. Tout ça, c'est calculé. Il lui a fait un peu de da'wah, mais pas beaucoup. Il n'a pas insisté pour qu'il accepte l'islam. Il aurait pu lui dire, t'as pas accepté, t'as hésité, alors coupez-lui la tête. Non, il a dit, accompagne-le avec toi, et le lendemain, faut qu'il voit le grand nombre des musulmans, et la force de l'islam et des musulmans. Effectivement, c'est ce que l'Abbas radiallahu anhu a fait. Et quand il a vu passer l'armée dans laquelle il y avait le Muhajirin et l'Ansar, et parmi eux il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, sans parler des autres parties de l'armée, des autres tribus arabes. Ça, c'est uniquement la partie de l'armée dans laquelle il y avait que les Muhajirin et l'Ansar et le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a vu ça, Abu Sufyan, il a dit à l'Abbas, il lui a dit, ton frère, لقد أصبح ملك ابن أخيك, ton neveu, le royaume de ton neveu est devenu un royaume immense. Et l'Abbas lui a dit, malheur à toi, Abu Sufyan. C'est pas un royaume, c'est la prophétie. Abu Sufyan, à ce moment-là, il a dit, oui, alors. Et quand Abu Sufyan a vu tout ce qu'il a vu, Et le Nabi alayhi salatu wa salam lui a fait la da'wa, et par la suite, après une autre hésitation, il a accepté l'islam. Radiallahu anhu. Et Al-Abbas, il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit, ô messager d'Allah, Abu Sufyan aime la fierté. Donne-lui quelque chose spécifique à lui. Spécifie-le avec quelque chose. Yani quand tu prends un homme qui était la tête de son peuple dans l'islam, regardez la sagesse de Nabi alayhi salam. Il va pas se comporter avec lui comme il se comporte avec n'importe quelle autre personne. Et effectivement, Nabi alayhi salam a dit, celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan, il sera à l'abri. Et celui qui entre chez lui, il sera à l'abri. Et celui qui entre dans la mosquée, il sera à l'abri. Donc, regardez, Nabi alayhi salam, ça, c'est quand il est arrivé à Mecca, il s'est adressé aux Mécois. Et ça, bien évidemment, c'était un statut qui était accordé à Abu Sufyan. Celui qui entre chez lui, chez Abu Sufyan, il sera à l'abri. Et les Arabes aiment ça. Par contre, les deux autres compagnons de Abu Sufyan, qui sont Boudayl et Hakim ibn Hizam, ces deux-là, dès qu'ils sont entrés chez le prophète, ils ont annoncé leur islam. Et Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, rappelez-vous que c'est un homme qui a été sauvé dans la bataille de Badr. Il a combattu aux côtés des mécréants, mais Allah azzawajal l'a sauvé. Il n'a pas été tué. C'est pour ça, Hakim ibn Hizam, à chaque fois quand il jurait, il disait, je jure par Allah qui m'a sauvé le jour de Badr. Car il serait mort dans la bataille de Badr. Ça serait un mécréant, en enfer, éternellement. Et Allah Azza wa Jalla l'a sauvé jusqu'à ce jour-là où il est entré dans l'islam. Et comme je vous avais dit, Hakim ibn Hizam, c'est un homme qui a vécu 60 ans dans la période avant l'islam et 60 ans dans l'islam. Et il est de la famille de Khadija radiallahu anha. Hakim ibn Hizam radiallahu anha. Donc, ensuite, Abu Sufyan est parti voir Quraysh et les a avertis. Et il leur a rapporté ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan sera à l'abri. Celui qui rentre chez lui sera à l'abri. Celui qui rentre dans le masjid sera à l'abri. Et de cette manière, tous les gens se sont dispersés et tous, yani, la plupart d'entre eux sont rentrés chez eux, yani, et n'ont pas choisi le combat. La plupart, mais pas tous, comme on va le voir. Quand la partie de l'armée dans laquelle il y avait Sa'd ibn Ubada, qui était celui qui portait l'étendard des Ansar, Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu, le maître de l'Ansar après la mort de Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, quand il est passé par Abu Sufyan, Sa'd ibn Ubada, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu? Il a dit, rapporté dans le Bukhari, il a dit, aujourd'hui c'est le jour du combat dans lequel on s'autorisera la Kaaba, dans lequel on s'autorisera la sacralité de la Kaaba. Et quand Abu Sufyan a entendu ça de Sa'd, il est parti voir Nabi alayhi salam, il lui a dit ce qu'il a dit. Nabi alayhi salam a dit, Sa'd a menti. C'est-à-dire, il a fait une erreur. Le mensonge, linguistiquement parlant, ça ne veut pas dire forcément que tu as menti volontairement. Mais ça peut être tout simplement que tu as informé d'une chose qui n'est pas ni en accord avec la réalité. Tu me dis, quelle est la couleur de ce mur? Je te dis, il est jaune. Alors que le mur, il est couleur moutarde. Donc tu peux dire j'ai menti, c'est-à-dire je me suis trompé. Car dans le sens linguistique, le mensonge n'implique pas qu'il y a l'intention du mensonge. Mais ça peut être tout simplement le fait d'informer avec une chose contraire à la réalité. Et le mensonge, c'est une information contraire à la réalité. Est-ce que tu as mangé ça? Tu mens, tu dis non. t'informer avec une chose ni contraire à la réalité, mais ça n'implique pas forcément qu'il y ait l'intention de mentir. Même si c'est une erreur, on appelle ça, il a menti. C'est pour ça que Nabi alayhi salam a dit ici, Sa'd a menti. C'est-à-dire, il a fait une erreur. Et ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Mais ce jour-là, c'est un jour dans lequel sera vénéré la Kaaba. Et c'est un jour dans lequel sera vêtie la Kaaba. Et il a pris l'étendard de la main de Sa'd. Il l'a passé à son fils Qais, radiyallahu anhu. Et regardez encore la sagesse. Chaque point, c'est une sagesse de sa part, alayhi salatu wassalam. Il l'a donné à son fils. Mais Sa'd, radiyallahu anhu, a eu peur que son fils agisse d'une manière yani, qui ne sera pas louable. Et il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de le donner à quelqu'un d'autre. Il l'a donné à Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que Zubair, ce jour-là, il est entré avec deux étendards. C'est lui qui portait l'étendard de l'Muhajirin déjà, il a porté l'étendard de l'Ansar également, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi sallallahu sallam a placé son armée, et les a organisés de la manière suivante. Il a mis Khalid ibn al-Walid sur la partie droite de l'armée. Et il a mis Zubair ibn al-Awwam sur la partie gauche. Et il a désigné Abu Ubada, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, sur ceux qui marchaient à pied, responsables de ceux qui étaient à pied. Et le prophète, alayhi sallam, lui-même, ce jour-là, il portait une bannière noire. Il portait une bannière noire et son étendard était de couleur blanche. Était de couleur blanche. Quraysh également, de son côté, ils se sont préparés. Ceux qui n'ont pas accepté yani, de ne pas combattre, ils se sont rassemblés avec certaines tribus arabes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quraysh donc a rassemblé des combattants de certaines tribus arabes. Et ils ont dit, on va les mettre à l'avant pour qu'ils combattent les premiers. Si jamais c'est eux qui gagnent, alors on sera avec eux. Et si jamais ils sont vaincus, alors on regardera ce que le prophète alayhi salam ordonnera et on va se soumettre. Et le muslimin ce jour-là, chaque personne qui s'opposait à l'armée, il l'a tué. Tous ceux qui venaient pour combattre, il les tuait. Et l'armée de Quraysh était dirigée par Safwan ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl et Suhail ibn Amr. Les trois qui ont aidé Banu Bakr dans leur bataille contre Khuza'a, les alliés du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont choisi un endroit qui s'appelle Al-Khandama pour le déroulement de la bataille. Le prophète alayhi salatu wassalam est entré du côté haut de Mecca. L'endroit qui s'appelle Kada, il est entré en baissant la tête. Il baissait tellement sa tête, alayhi salatu wassalam, en étant sur son chameau. Il baissait tellement sa tête que ça touchait sa poitrine, alayhi salatu wassalam. Il était dans une dévotion et soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est entré en récitant sourate al-Fath. Il l'a récité en étant sur sa monture, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et Khalid ibn al-Walid est entré du côté opposé à Mecca, avec des hommes qu'il avait avec lui. Et c'est là où il a croisé l'armée de Quraysh, et ils se sont, yani, battus. Ils se sont battus. Ont été tués de l'muslimin dans ces batailles, entre Khalid ibn al-Walid et les kuffars à leur tête, Safwan ibn Umayya, Ikrim ibn Abi Jahl et Suhayl ibn Amr ont été tués deux hommes qui sont tombés martyrs des musulmans. Et ça a été rapporté, ça c'est ce qui est rapporté dans le Bukhari. Ibn Ishaq a dit trois. Et parmi les mécréants, ils étaient tués 12 ou 13. Un doute. Comme ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam musulman. Il y a d'autres versions comme quoi ils étaient tués 70. Mais ce qui est dans l'authentique de l'imam musulman, c'est 12 ou 13. Et quand tu lis les textes, les hadiths par rapport à ces batailles, tu comprendras que Nabi Issa salam ne visait pas le combat. Et ceux qui ont été tués, c'est parce qu'ils ont commencé le combat. Mais sinon, ils les auraient pas combattu, alayhi salatu wassalam. Avec la sécurité et l'assurance qu'il a donné déjà avant son arrivée à tous les Mekwas, que ceux qui entrent dans la maison de Abu Sufyan est à l'abri, celui qui entre dans la mosquée est à l'abri, celui qui entre chez lui est à l'abri. Donc ce sont ces mécréants qui ont cherché le combat. Mais Nabi Issa salam a fait exception de ceux qui seront à l'abri. Il a fait exception de quelques hommes et quelques femmes. Il les a cités avec les noms. Il a dit, tuez-les, même si vous les trouvez accrochés au mur de l'Kaaba. Les trouvez attachés au mur de l'Kaaba. Les hommes, c'est Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl. Et on va voir son histoire, Ikrima radiallahu anhu, qui va entrer dans l'islam par la suite. Ikrima, il a pris la fuite dans, quand Nabi Issa salam a ordonné de le tuer partout où on le trouve, et quand son armée était vaincue, il a pris la fuite, et il est parti, il a emprunté un bateau, il est monté dans un bateau, et il voulait fuir et sortir de la péninsule arabique. Et subhanallah, ce bateau a failli se noyer. Il y a eu des vagues et des tempêtes que le bateau a failli se noyer. Et dans le bateau, il n'y avait que des kuffars. Et quand ils ont vu ces moments difficiles, ils ont dit le kuffar. Et lui, il écoutait. Ils ont dit, soyez sincères, invoquez Allah, car vos divinités ne vous seront d'aucune utilité dans ces moments-là. Invoquez Allah sincèrement. Subhanallah, quand il a entendu ça, et ça c'est comme Allah il nous dit dans le Coran. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Mais une fois qu'il les sauve, tu les trouves lui donner des associés. Mais Ikrima, cet homme intelligent, quand il a entendu ça, il s'est dit, subhanallah, cette parole l'a touché énormément. Même ces gens-là, ils savent que celui qui peut être profitable et repousser le mal de toi, c'est Allah seul. Pourquoi ces divinités alors? Et il a donné une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah il le sauve, il entrera dans l'islam. Et effectivement, Allah Azza wa Jalla l'a sauvé, et il est allé voir Nabi Issa salam, et il lui a demandé, de l'accepter dans l'islam. Et Nabi Issa salam lui a pardonné, il l'a accepté dans l'islam. Également, parmi les hommes que Nabi Issa salam a ordonné de tuer, c'est Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal, c'est un homme qui a montré l'islam. Et Nabi Issa salam l'a envoyé avec un autre compagnon. Il a envoyé avec les deux, un serviteur que Nabi Issa salam leur a donné pour les servir dans le voyage. Abdullah ibn Khattal, il est entré dans l'islam. Et il est venu voir Nabi Issa salam, il lui a montré son islam, Nabi Issa salam a accepté de lui. Et Nabi alayhi salam l'a envoyé avec un Ansari, un autre compagnon. Et Abdullah ibn Khattal avait avec lui dans ce voyage un serviteur à lui, qui était musulman. Et dans ce voyage, il lui a demandé de lui préparer une nourriture. Et il n'a pas fait, le serviteur n'a pas fait, ni l'esclave. Et Abdullah ibn Khattal l'a tué. Et ensuite, il a apostasié de l'islam. Et il a commencé à dire du mal du prophète alayhi salam avec la poésie. C'est comme ça que ça a été rapporté dans le Fath que l'a cité Ibn Hajar rahimahullah. C'est pour ça que Nabi Islam a ordonné de le tuer, et en est avec ceux qu'il a ordonné de tuer, parce qu'il a apostasié, et parce qu'il a tué un musulman. Effectivement, Abdullah ibn Khattal a été tué. Le troisième, il s'appelle Miqyas ibn Subaba. Miqyas ibn Subaba, ça c'est un mécréant de Mecca. Son frère était un sahabi. Et son frère a été tué par un autre ansari par erreur dans la bataille de l'Mouraïsir. Il a été tué par erreur. Nabi alayhi salam, Had Miqyas est venu voir Nabi alayhi salam et il lui a dit, voilà, mon frère a été tué, je veux la diya, le prix du sang. Et Nabi alayhi salam, effectivement, il lui a donné le prix du sang, car c'est son droit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'adolescent Chamel et il a tué l'Ansari en plus. Il a pris la fuite vers Mecca. Et il a montré l'islam aussi, au début. Il a montré l'islam. Et après, il a montré qu'il n'était pas du tout dans l'islam. Il a apostasie et il a pris les chameaux et il a tué l'Ansari, radiyallahu anhu. Donc celui-là, il a été tué également ce jour-là. Celui qui l'a tué, c'est son cousin parmi les compagnons. Et parmi ceux que le Nabi alayhi salam a ordonné de tuer, c'est Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Cet homme était entré dans l'islam et c'était même devenu quelqu'un parmi ceux qui écrivaient la révélation. Parmi ceux qui écrivaient la révélation. Abdullah ibn Abi Sarh. Et ensuite, il a apostasié. Mais on va voir que cet homme ne sera pas tué. Ne sera pas tué. Car, comme Ikrima, ils ont fui. Jusqu'à ce qu'ils ont eu des garanties de la part du prophète, et ils sont venus, ils ont annoncé leur islam. Comment ça s'est passé pour Abdullah ibn Abi Sarh? On a vu pour Ikrima. Pour Abdullah ibn Abi Sarh, il est de la famille de Uthman ibn Affan. Quand Uthman radiallahu anhu, est arrivé à Mecca, il l'a pris, il l'a caché chez lui. Jusqu'à ce qu'il est venu voir Nabi alayhi salam, quand Nabi alayhi salam, il faisait le pacte d'allégeance aux Mécois qui voulaient entrer dans l'islam, Uthman radiallahu anhu l'avait caché, il est venu, jusqu'à ce que Nabi alayhi salam, il faisait le pacte d'allégeance aux gens, et il a ramené avec lui Abdullah ibn Abi Sarh. Il a dit au messager alayhi salam, Ya Rasulallah, fais le pacte d'allégeance à Abdullah. Nabi Al-Sallam l'a regardé, il s'est détourné une première fois. Et Uthman a recommencé une deuxième fois. Fais le pacte d'allégeance à Abdullah. Nabi Al-Sallam l'a regardé, il a détourné son visage trois fois. Et à la quatrième, Nabi Al-Sallam a tendu sa main, il lui a fait le pacte d'allégeance. Après avoir refusé trois fois. Et quand il lui a fait le pacte d'allégeance, après, le Nabi alayhi salam, il a dit à ses compagnons, il n'y avait pas parmi vous un homme doué d'intelligence quand il a vu que j'ai refusé de lui faire le pacte et de tendre ma main trois fois, qu'il le tue. Ils ont dit au messager d'Allah, on ne peut pas savoir ce que tu as comme intention. Tu aurais dû nous faire un signe. Et ensuite, le Nabi alayhi salam, il a dit sa parole connue, yani, il ne se doit pas un prophète de faire des clins d'œil. Il ne se doit pas un prophète de faire un clin d'œil, yani, ou là un signe. Ça, c'est par rapport à Abdullah ibn Abi Sarh. Et les deux autres, on a vu qu'ils étaient tués. Il y avait également parmi les femmes, et c'était tous des servantes, des esclaves. Et comme vous savez, les Arabes, ils avaient des servantes qui chantent et qui dansent et qui font de la poésie. Et les femmes, dans leur poésie, elles disaient beaucoup de mal du prophète, alayhi salam. La première, c'est Sarah, esclave de Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrimah, esclave de Ikrimah ibn Abi Jahl. Et les autres femmes, c'est Fartana, également, une esclave appartenant à Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal. Et deux autres servantes qui ont été tuées également. Par contre, Sarah n'a pas été tuée. Elle a fui et après elle a demandé quelqu'un qui lui prend des garanties chez le prophète alayhi sallam pour qu'elle vienne et qu'elle annonce son islam. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Il y a d'autres hommes au sujet desquels ça a été rapporté la même chose, tel que Al-Huwayrith ibn Nuqayd. Al-Huwayrith ibn Nuqayd, quand Fatima radiallahu anha et Umm Kulthum étaient sortis dans le Hijra, cet homme a donné un coup à leur chameau et elles sont tombées par terre. Il est rapporté que ce jour-là, Ali radiallahu anha l'a tué. L'autre homme, c'est Habbar ibn al-Aswad. Quand la fille du prophète, alayhi salatu wasalam, Zaynab, était sortie pour le Hijra, il a donné un coup également à son chameau, elle est tombée sur un rocher, et elle s'est fait très mal, et en plus, elle a avorté ce jour-là, car elle était enceinte. Mais cet homme, il n'a pas été tué, il n'a pas été tué, et ensuite il est venu, il a annoncé son islam, et c'était un bon musulman, radiallahu anhu. Également, le troisième, c'est le Harith ibn Talatil al-Khuza'i. Il est rapporté qu'il a été tué par Ali, radiallahu anhu. Le quatrième, c'est Ka'b ibn Zuhayr, le grand poète, au sujet duquel il est rapporté qu'il a fait ce poème dans lequel il faisait les éloges du prophète, alayhi sallam, qui s'appelle Al-Burda. Mais est-ce que c'est lui ou pas? Il y a des savants qui disent que c'est pas lui qui l'a fait. En tout cas, Ka'b ibn Zuhayr, c'était un poète, il faisait des poèmes dans lesquels il dénigrait le prophète, alayhi sallam. Mais il n'a pas été tué non plus. Et le dernier des hommes, c'est Wahshi ibn Harb, celui qui a tué Hamza. Il a pris la fuite vers la ville de Taif, et quand Taif a été conquis, il est venu, il a annoncé son islam. Également, parmi les femmes, Hind bint Utba. Hind bint Utba. Et on va voir son histoire parce qu'elle a eu une histoire, dans laquelle il y a beaucoup de leçons à tirer par rapport à Hind, radiallahu anha. Je vois que les minutes avancent vite. Donc, on va peut-être, Allah alam, pour ne pas que ce soit pas très lourd, on va s'arrêter ici et on continuera le peu qui nous reste par rapport aux événements de la conquête de Mecca. Parmi les plus importants des événements qui nous restent, c'est quand les Mecquois sont venus voir le Nabi alayhi salam et qu'il leur a pardonné à tous et il leur a dit, comme il a dit Youssouf à ses frères, il leur a dit la tathrib alaykum al yawm يغفر الله لكم. Et on va voir également d'autres points importants dans le cadre de la conquête de Mecca avant d'entamer les deux batailles de Hunayn et de Taif. Et la dernière qui restera, c'est la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, yani la dernière des plus importantes des batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà pour aujourd'hui. Wallahu a'lam